279 et 125 rue Saint-Vallier-Ouest. 88 914 35 54. Menu sur piedbleu.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % au restaurant Pub Le Dorsay, 65 rue de Buade à Québec. dorsayrestaurant.com. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. 1, 2, 3, 4 et... Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, La Barberie, Le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à L'Aérospatiale, le magazine radiophonique en art visuel à Québec. J'entienne la France au micro, en compagnie d'Audrey Caro pour cette édition du 22 mars. Bonsoir Audrey! Allô j'entienne! Ça va bien? Très bien, et toi? Oui, ça va bien. Donc aujourd'hui, on vous propose en premier lieu l'artiste Cynthia Nagar qui va venir nous parler de son installation interactive « Ils ont regardé la mer » qui est présentée à la bande vidéo. Ensuite, Audrey et moi allons discuter des expositions actuellement en cours à vue et à l'œil de poisson dans le cadre de l'échange Québec-Bangkok. Et en deuxième partie d'émission, Jean-Tiane, Fanny et non Lévy vont nous faire une chronique sur l'exposition donc de Tania Girard-Savoie qui a débuté cette fin de semaine à la galerie Michel Guimont. Et enfin, Andréane Lesage et moi-même, on va revenir sur une pièce de théâtre qui a été présentée à qui est toujours présentée à premier acte, Architecture du printemps. Oui, oui, théâtre, art visuel, parce qu'il y a un petit rapport. On va s'en parler tout à l'heure. Très intriguant. Donc, je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre page web et notre page Facebook, donc au www.laérospatialeckrl.wordpress.com. Et vous allez y retrouver les émissions en balado-diffusion, les actualités en art visuel, le calendrier des événements, quelques billets publiés par nos collaborateurs et la sélection audio de la semaine. Mais tout d'abord, Audrey, que se passe-t-il dans l'actualité des arts visuels cette semaine? Oui, quelques nouvelles. Le 18 mars, on apprenait l'annonce des finalistes du concours d'art public célébrant la super Franco-Fête. C'est la ville de Québec qui a lancé ce concours. Et le concours s'adressait aussi, il faut le dire, à des artistes de la relève. Ils devaient être jumelés, donc faire ça en partenariat avec un artiste expérimenté. Et le jury a finalement choisi les finalistes suivants, donc selon l'originalité et la qualité de leur démarche artistique ainsi que de leur compréhension de cette super Franco-Fête qui avait eu lieu, donc, faut le dire, en 1974, mais qui était un événement international, donc, de la francophonie, littéralement. Et donc, les trois artistes retenus sont Jeffrey Poirier, avec son mentor Nicolas Laverdière du collectif BGL, Guillaume Tardif, hein, qu'on a reçu tout dernièrement à l'émission la semaine dernière, donc, avec pour mentor Jacques Sanson, et sinon Sarah Thibault, ayant pour mentor Ludovic Bonnet, bien sûr, figure qu'on connaît très bien en art public ici. Donc, l'artiste lauréat donc sera annoncé en juillet cette année, et pour réaliser son œuvre, il va disposer d'un budget de 50 000 $, qui est financé, bien sûr, par l'entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications, et l'œuvre sera installée au Parc de la Francophonie à l'été l'été 2017. Donc, son aménagement sera financé par la Commission de la Capitale-Nationale du Québec, propriétaire du parc. Parce qu'il faut le dire, 50 000 $, c'est pas tant que ça quand on pense que ça coûte très, très cher l'implantation de ces œuvres-là, justement. Donc, aussi, une autre nouvelle, on apprenait il y a 2 semaines déjà presque, que la Fondation du Musée national des Beaux-Arts du Québec recevait une contribution financière de 500 000 $ du mouvement Desjardins. Donc, quand même une contribution assez importante, notamment, pour souligner l'importance du musée comme acteur de premier plan, donc non seulement à Québec, mais pour l'ensemble de la province, mais aussi pour son action bénévole. On sait comment c'est cher au mouvement Desjardins, l'action bénévole, donc qui est une de ses valeurs fondamentales. Donc, c'est deux des raisons du pourquoi de ça. Et en guise de reconnaissance à cette contribution-là qui fait partie de la grande campagne de financement du musée, de l'agrandissement du musée, eh bien, on va dans le nouveau pavillon nommé un salon Desjardins, bien sûr, qui va être notamment voué à accueillir les bénévoles, les membres et les visiteurs du musée, donc dans le prochain pavillon. Il faut aussi dire, une petite mention, on nous dit que Desjardins et le musée ont également annoncé que les membres Desjardins vont pouvoir obtenir jusqu'au 23 mai un laissez-passer à demi-prix à l'achat d'un billet à prix régulier de l'exposition, donc passion privée. Alors, si vous y allez à deux, il y a un, et que vous êtes membre Desjardins, eh bien, vous pouvez bénéficier donc d'un rabais finalement de 50% pour une des deux personnes. Ça vaut la peine. Oui. Et dernière nouvelle qui est toute fraîche d'aujourd'hui, le musée toujours, National des Beaux-Arts du Québec, annonçait en collaboration avec RBC, donc les 5 artistes finalistes de la seconde édition du prix en art actuel du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Donc, un prix qui est remis à tous les 2 ans et qui est assez unique au Canada. Donc, les 5 artistes retenus, Jean-Pierre Aubé, Aude Moreau, Karen E. Spencer, Karine Tam et Carl Trahan, donc, qui ont été retenus par le jury formé de différents intervenants du milieu artistique au Québec, c'est important de le dire, oui. C'est pas seulement des gens du musée, mais des commissaires, des directeurs de musées, conservateurs, professeurs aussi à l'École des arts visuels. Et il faut rappeler que c'est au printemps 2013 que la Fondation du musée avait reçu donc un don important, donc 400 000 $ de RBC qui permettait la création de ce prix en art actuel. Et la première récipiendaire avait été Diane Morin, dont on a vu l'exposition, donc, plutôt en 2015, et simplement stipuler que le prix comprend une bourse de 10 000 $ pour l'organisation d'une exposition personnelle de l'artiste au musée. Il y a aussi une publication, donc, de nature rétrospective, ainsi que l'acquisition de l'œuvre, d'œuvre plutôt du gagnant, donc, qui sera intégrée à la collection du musée, donc, à la hauteur de 50 000 $. Là, ça peut aller jusqu'à 50 000 $. Donc, si on calcule tout ça, la valeur totale du prix, c'est presque 100 000 $, là, ici. Ouais. Donc, et c'est le 5 avril prochain que le second jury va se réunir pour déterminer le grand gagnant. Et c'est important de dire que ça s'est ouvert à des artistes, donc, qui ont une carrière étendue sur plus de 10 ans. Mais c'est vraiment un prix de reconnaissance de carrière. Exactement, c'est ça. Et pour continuer aussi à soutenir cet artiste-là, parce que plus de 10 ans, mais c'est pas nécessairement terminé à la carrière artistique. Ben non. Alors voilà, ça fait un peu le tour des nouvelles en art visuel. Bon, ben des belles nouvelles. Donc on va vous laisser sur un extrait de Anitech, qui est un producteur, musicien et DJ américain qui nous est proposé par Simon Roy encore cette semaine avec la pièce Glenn. Thank you. Alors, de retour à l'aérospatiale, on reçoit au téléphone Cynthia Nagar. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir. Cynthia, tu es une artiste multidisciplinaire de Montréal et tu présentes ton projet « Ils ont regardé la mer » à la bande vidéo. Oui. Il s'agit d'une installation vidéo interactive dans laquelle les spectateurs sont invités à attacher un capteur de pulsation cardiaque sur un doigt pour faire vivre l'œuvre, si on veut. Peux-tu nous parler un peu plus de ce procédé bien particulier qui rend l'œuvre interactive? Ouais, ben en fait, on utilise un capteur de pulsation cardiaque. C'est un tout petit capteur, en fait, c'est un piezo. Okay. Il y a des gens qui connaissent ça. Donc, les gens, ils ont juste à déposer leurs doigts, puis ça capte les vibrations. Puis, c'est ça, moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Pure Data pour programmer un... En fait, on rentre dans les vidéos de la mer, des vagues, puis c'est pour contrôler le mouvement des vagues devant la personne projetée. Donc, tu étais en résidence à la bande vidéo du 26 février au 18 mars. Oui. Mais ce projet-là, ils ont regardé la mer. Tu l'as déjà présenté au moins 3 fois depuis 2014. Donc, si je comprends bien, c'est comme un projet qui est un travail qui est en constant développement. Quoi les problématiques plus particulières sur lesquelles tu t'es penchée durant ta résidence à la bande vidéo? C'était vraiment comment rendre comment les gens pouvaient vivre vraiment le parce que c'est vraiment une installation qui est très contemplative ici. Donc, oui. C'est comment que les gens peuvent se rentrer dans un état un peu de contemplation. Puis, on a travaillé aussi beaucoup sur tout ce qui est technique, puis tout ça. Puis, on a travaillé aussi sur du mapping. Donc, mon travail, c'est beaucoup sur... passer beaucoup de temps devant l'ordinateur à programmer, mais j'aime aussi prendre le temps pour travailler le matériel puis tout ça. Donc, j'ai pris le temps pour construire des sortes de panneaux un peu avec des profondeurs à l'intérieur. Donc, ça crée une espèce de sentiment de profondeur et de 3 dimensions. Oui, ces espèces d'écrans creuser, si on veut. On peut expliquer aux spectateurs qu'il y a comme un écran au centre et puis il y a quelques écrans de projection qui sont un petit peu plus, pour le spectateur, un peu plus en périphérie dans le champ de vision, si on veut. Ouais, c'est ça. Sont faits en quelle matière, ces écrans-là, qui ont une espèce de forme un peu creusée, concave? c'est tout simplement du plexiglas avec du papier en polyester. Okay. Tout simplement ça. On sent vraiment Pardon. On sent vraiment l'aspect bricolage, de toute l'installation. Et puis le côté immersif dont tu nous parlais, sur lequel tu travailles dans ta résidence, comment tu as réussi à aller chercher ce côté plus immersif dans l'œuvre? J'ai travaillé aussi beaucoup sur le son. J'ai passé un petit moment sur le son aussi. Donc ça a amené vraiment beaucoup à l'installation. C'est ça comme tout ce qui est... quand on projette sur ces écrans-là, tout ce qui est l'ambiance la lumière et tout ça, comment placer, comment les gens vont rentrer aussi dans cet espace-là qui est comme caché par un rideau. Donc, c'est vraiment de rentrer dans l'espace Donc, c'était un peu... Puis où les gens allaient se placer aussi, ça, c'est quelque chose d'important. Parce que quand je l'ai présenté la dernière fois, c'était sur une scène, puis c'était avant des performances, donc c'était pas du tout la même chose. Ah oui, c'est très différent, ouais. Très, très ouais. Différent. Donc, on a vraiment une expérience plus... donc on entre dans le dispositif et puis il y a cette relation au corps où on pénètre un peu à l'intérieur de notre propre corps en pénétrant dans l'installation là. Donc un rapport qui est quand même assez différent que les présentations que tu avais faites auparavant de cette œuvre là. C'est vraiment de se concentrer sur l'idée des mouvements des corps aussi là, qui m'intéressait, de faire la relation entre le mouvement de nos corps. l'intérieur, le biologique, le fonctionnement du corps. Et puis, les vidéos de l'installation représentent des rivages marins en mouvement. Donc, on a des vagues, des surfaces d'eau. Je suis curieuse de savoir où est-ce qu'ont été faites ces captations-là? Est-ce qu'il s'agit toujours de la même mer? Est-ce que ce sont des images que tu as amassées au fil des années? D'où proviennent les images sur lesquelles tu as travaillé dans ton projet? Oui, c'est pas mal tout dans les maritimes. En fait, je passais un petit moment au Nouveau-Brunswick. Mm-hmm. Puis moi, je viens de Montréal. Puis, ironiquement, on est une île, mais on n'a pas l'impression qu'il y a de l'eau autour de nous. Puis j'étais comme fascinée par le fait d'être tout près de la mer, puis depuis ça, donc je me suis mis à comme filmer pas mal de captations d'images de l'eau, tout ça, puis ça s'est fait par hasard vraiment le lien entre le mouvement de l'eau ondulatoire, vraiment comme la vague ondulatoire, puis le mouvement de nous, de notre pulsation cardiaque. Et puis c'est quel hasard qui t'a mené à faire ce lien-là? Ah, ben c'est ça, j'étais intéressée par des capteurs de biofeedback, là. Il y a toutes sortes de capteurs d'humidité, de tout ça. Fait que je testais tout ça, puis c'était en mettant en relation avec les capteurs, c'est ça, en mettant en relation ces deux éléments-là que ça fait. Ah, ben, ça marche vraiment bien. Puis, ça, j'ai poussé encore plus. Puis en travaillant sur la programmation aussi, parce que je travaille avec les boucles beaucoup. Mm-hmm. Donc c'est ça que j'ai poussé. Voilà. Alors merci beaucoup Cynthia Nagar d'avoir répondu à mes questions. Ton exposition, ils ont regardé la mer, est présentée à la bande vidéo jusqu'au 17 avril. Je te souhaite une belle fin de soirée. Ben merci infiniment. Au revoir. Alors, on se quitte pour quelques instants pour un extrait audio, encore une fois, d'Anitech, la pièce « Our Secrets ». Thank you. Alors, de retour à l'aérospatiale, Jean-Tienne La France et Audrey Carreau avec vous pour parler art visuel, toujours. Donc, pour ce segment d'émission, Audrey et moi avons décidé de vous parler des expositions en cours à vue et à l'œil de poisson, des expositions dans le cadre de l'échange Québec-Bangkok. Un échange qui est pas chapeauté, mais qui est initié par le lieu, Centre d'art actuel. Donc, à vue, on retrouve deux artistes thaïlandais et deux artistes québécois. Faut dire que cet échange-là, c'est un échange qui est initié par le lieu avec un centre, le Bangkok Art and Culture Center, à Bangkok, exact. Qui est un peu un espèce de cousin de Méduse. Ben c'est même j'irais c'est beaucoup plus gros. C'est vraiment un immense musée là, le Bangkok Art and Culture Center, le BAC là, on va simplifier tout ça. Mais c'est vraiment énorme là, un bâtiment avec de nombreux étages, mais des salles d'exposition muséales là, si on peut dire, qui regroupe plusieurs centres de diffusion en art avec des spécialités. Ben, je pense que c'est vraiment un élément okay. qui, tu sais, comme un musée, si on peut dire là, mais encore là, c'est sous toute réserve là. Mais à mon esprit, de la façon que j'avais bien que j'avais compris, puis vraiment, c'est un à l'automne 2015, il y avait 10 artistes québécois qui étaient allés à Bangkok, donc en résidence exposition, et là, ben c'était autour de nous là, ici à Québec, à recevoir les artistes thaïlandais ici pour toujours une résidence exposition, mais il faut quand même dire qu'une des particularités, c'est que c'était très court, cette résidence exposition-là. C'est ça, c'est une dizaine de jours. Exact. Autant pour les artistes québécois à Bangkok que pour les artistes thaïlandais qui sont venus ici. Exact. Donc, c'est quand même assez court pour produire... Ben, il fallait déjà avoir un peu pensé un petit peu à l'avance. Certaines pratiques s'y prêtaient mieux que d'autres, mais plusieurs artistes avaient déjà un peu réfléchi à ce qu'ils voulaient à l'avance, ou du moins à leur concept, ce qu'ils allaient développer, mais ils n'ont pas chômé. J'imagine. Donc, du côté de vue, on a Charingthorn Ratchachatta, pardon, Mithi Juan Kritia et Marc-André Jésus et Renaud Philippe, donc qui présentent ce qu'ils ont produit là-bas dans leur résidence. Donc, les deux artistes thaïlandais dans l'espace américain et les deux artistes québécois dans l'espace européen, la petite galerie. Donc, Renaud Philippe, qu'on connaît beaucoup pour son travail de journalistique. Exact. Photo-documentaire, reportage. On sent quand même ce bagage-là dans son travail, mais on sent aussi un travail beaucoup plus de... Mais il y a quelque chose d'artistique aussi, oui. Parce qu'on sent dans l'ensemble, ça reste près de la photo documentaire. On sent qu'il y a un sujet qui est développé, mais il y a la manière comment il est traité. Oui. Il est beaucoup plus artistique que ce qu'on aurait pu, par exemple, voir dans un WordPress photo, exactement, par exemple. Exactement. Donc, avec une certaine distance, un esprit un peu plus contemplatif, on sent aussi l'esprit du flâneur dans son travail. Hein. Exact. Donc, une série en noir et blanc avec des points de vue sur une ville qui est au bord de l'eau et qui... On m'expliquait que c'était vraiment... Le sujet qui s'intéressait, c'est vraiment sur le fait que Bangkok, dans le fond, s'enfouit sous l'eau de plus en plus. Donc, les villes, les villages... Exact. C'est un peu, si on veut, les conséquences des réchauffements climatiques qui ont leur effet sur la ville et sur sa population, mais c'est évoqué avec beaucoup de poésie, beaucoup de donc on voit des reflets de gens sur des flaques d'eau, des éléments comme ça où on notre regard est un peu truqué, si on veut, par la photographie, alors que Marc-André Jésus nous présente une seule image, une photographie quand même assez forte, exact, un couple de jeunes couples de Thaïlandais assis en sous-vêtements, dos à dos, dans ce qui semble être un bain, avec ces jeunes visages dont le genre est très difficile à déterminer. Exact. Joue beaucoup sur ces genres indescriptibles, Marc-André Jésus, et sur ce format. Donc, très, très touchant, le regard de ces deux jeunes Thaïlandais qui nous interpellent. Alors que du côté de la grande galerie. Des artistes thaïlandais. Deux oui. artistes thaïlandais, oui, c'est ça, excusez. Donc, on a deux pratiques à vue photographiques, évidemment, une pratique de photomontage numérique et une pratique de photographie plus qui démontre un peu le paysage urbain. Oui, exact. On sent vraiment que l'hiver est allé chercher ces artistes-là, que la neige, la glace, il y a même une installation avec un morceau de glace qui fond dans le coin de la galerie. Oui, ben là, il y en avait plus, moi, quand je suis allée la voir. Donc, d'un côté, on a des photomontages où on a la figure de l'artiste qui est représentée. Dans des lieux, par exemple, un lieu touristique comme l'Hôtel de glace. Exactement. Ça, ce montage-là, moi, m'a beaucoup accroché. Je sais pas, là, il y avait quelque chose de la figure, la Vierge sur l'autel qui est en train de se faire sacrifier parce qu'il y a des loups autour. Enfin, bref, enfin, ce montage-là, on le sait que c'est un montage, mais il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose, ben, ça va chercher dans le monde du fantastique. Exact. Alors que ces autres montages, c'est plus des personnages face à face, encore dans l'autoreprésentation. Du côté de l'œil de poisson, les artistes sont... Lalinton Fencharouen, ainsi que Prasert Yodkawu. Je vois le temps filer, moi oui, aussi, mais ça. Si oh, tu permets, oui. Je peux en glisser un petit mot là très rapide. Dans le fond, Lalinton nous propose... tous ces deux-là sont réunis dans la Grande Galerie. Et Lalinton nous propose notamment un laboratoire scientifique, parce que c'est une artiste qui aime combiner art et science ensemble, oui. un peu d'explorer cette limite ténue entre les deux. Et elle s'intéresse à la figure du castor, bien sûr, hein, on le sait comment le castor est un emblème canadien, mais autour d'une allégorie du castor qui serait dans la mythologie grecque. Et quelqu'un faisait remarquer que ça, il y a des rapprochements qui pourraient même se faire avec la mythologie du castor chez les autochtones aussi. Mm-hmm. Enfin, on peut découvrir au travers de ses expérimentations, de ses recherches, un peu comment elle explore justement cet aspect un peu comment le castor, finalement, c'est les organes reproducteurs, les testicules oui. du castor sont à l'origine de cette allégorie-là, de ce mythe. Puis là, elle part un peu à la recherche. Oui, c'est ça, c'est très humoristique en même temps. Puis, sur une des projections, justement, elle a recueilli des échantillons d'eau ici à Québec, à différents endroits. Puis, avec un microscope fait maison, là, on voit dans le fond, des protozoaires dans l'eau, donc, qui pourrait nous faire penser à des petits spermatozoïdes, là, de la façon qu'ils s'activent aussi. En fait, tous ces éléments-là sont là, assez présents, mais c'est vraiment très drôle. Je vous invite à aller voir, parce que oui, il y a cet aspect scientifique, mais quand même, on décèle toute une recherche, quand même un intérêt, un côté aussi artistique, fantaisiste un peu là, dans tout ça, mais qu'on regarde avec un regard un peu scientifique, là, qu'on essaie de donner un regard scientifique. Et sinon, Prasert nous propose dans cette grande, une sculpture et des éléments installatifs autour, donc une grande sculpture là dans en plein centre de la galerie là, qui a quelque chose d'assez anthropomorphique qui pourrait nous faire penser ici aux cultures autochtones, mais qui est aussi près de la culture thaïlandaise. Et c'est dans le fond, cette sculpture là très anthropomorphique, il y a des sacs de plastique qui contiennent des déchets. Mm-hmm. Exactement, parce que c'est un artiste qui aime beaucoup travailler les techniques mixtes, donc travailler avec des objets trouvés et tout, et les assembler ensemble. Mais il y a tout un rapport, un regard sur à la fois la culture québécoise et thaïlandaise, ce rapport à l'objet aussi, autant dans la religion, dans la tradition, que dans la religion, que dans le monde contemporain. Donc tout ça se mélange un peu ensemble. Il y a des références à Dieu, ou du moins au créateur. Oui, il y a quelque chose au dans sol, la phrase oui. oh, là, oui. oh, qui est diffusée au sol. Tu sais, moi j'ai créé le monde, mais les humains ça s'amuse à le modifier, à l'altérer en quelque sorte. Encore, il y a une belle réflexion sur notre rapport à l'objet, sur le consumériste aussi, qu'on disait, qui est de plus en plus très, très fort en Thaïlande aussi. Enfin, c'est assez intéressant, cette collecte qu'il a fait ici même à Québec. Donc, sur ça, on va partir à la pause publicitaire. Et au retour de la pause, Fanny Hénon-Lévy nous parle de l'expo de Tania Girard, Savoie. 89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là,

Écoute, une exposition qui a débuté dimanche et qui, ma foi, nous introduit bien au printemps parce qu'on est, devant une exposition qui est très, très, très rafraîchissante avec de beaux grands formats en peinture, des œuvres papier qui nous accueillent également sur une partie du mur. J'ai envie de débuter par, par les œuvres papier. Parce que en parlant aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec avec Tania justement, et qui me disait que les ces œuvres papier ont été le point de départ de cette série Flottement qui est présentée à la galerie. Et ces œuvres papier, donc elles sont médium mixtes. On sait que Tania Girard Savoie a une pratique de longue date en estampe, en particulier la sérigraphie, et qu'elle explore donc la superposition, les formes, la couleur, en particulier la couleur. Si vous allez voir cette exposition, vous comprendrez pourquoi. Elle explore la couleur jusqu'à pousser la limite à l'extrême. Je la cite parce que j'ai trouvé ça intéressant. C'est comme démarche. Effectivement, dans ces peintures, on le sent très bien. C'est une bourse de recherche au calque, bourse de recherche et création qu'elle obtient en 2014-2015 qui lui offre un tremplin pour réaliser ces peintures grand format. Parce que c'est quand même assez monumental et ses peintures dans sa peinture elle fait une recherche, je l'ai dit, sur la couleur mais aussi sur la matière, sur le format. Elle pousse la limite vraiment autant en dessin que dans la recherche de matière elle-même, dans la recherche des brillances, des opacités, des épaisseurs. Il y a des craquelures. J'ai énormément cette peinture-là. Et autant la couleur bouge, elle vibre, là, c'est sûr qu'on est même sur des couleurs fluorescentes, là, très, très, très... Oui. J'ai envie de dire vitaminé, très énergique. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça, c'est pour ça que je disais que ça fait vraiment, ça donne un coup de fouet pour commencer le printemps. Mais elle va jusqu'à aller à la limite de l'excès, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'excès, on bascule pas là-dedans, mais on sent que elle va pousser la limite du plein et où le vide tout de même occupe une place essentielle pour la respiration de ces couleurs-là. Donc j'ai trouvé que ces œuvres-là sont très puissantes, sont très fortes et à la fois très féminines. On est sur une exposition effectivement on est nous-mêmes dans un flottement de couleurs et dans un flottement de paysages complètement pop et très articulé en même temps. Moi, je voulais te dire, Tania, l'impression que ça m'a donné, à vrai dire, j'ai pensé à deux, excuse-moi, Fanny, lapsus. À vrai dire, moi, ça me fait penser, par exemple, aussi par le côté touffu, mais cette variété dans les médiums aussi, un peu à Dan Brough, hein, comment ces œuvres peuvent devenir très chargées, sont devenues aussi avec le temps très chargées, mais le côté très coloré, mais je veux dire, c'est pas du tout semblable, mais quand même, on sent aussi ce rapport, si on peut dire, même si Tania, comme tu dis, je trouve qu'il y a quelque chose de très féminin aussi dans son approche. Oui, puis plus abstrait aussi. C'est sûr que c'est très bien que tu l'évoques parce que j'y ai pensé immédiatement. C'est vrai que Dan Brough, on a ses formes circulaires assez organiques. C'est une peinture très, très organique chez Tania. On est encore plus organique que Dan Brough parce qu'on est vraiment dans l'abstraction. D'ailleurs, je vais poser la question parce que son dessin, on se demande, est-ce qu'elle suit une musique? Est-ce qu'il y a quelque chose de très musical aussi dans sa peinture? Et je lui ai demandé son dessin, comment tu le réalises, comment tu l'amènes. Mm-hmm. Et elle m'a expliqué que soit il arrive au tout début, soit il arrive en cours de processus ou à la fin, et qu'elle suit les formes en réalité vraiment organiques de la peinture. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc vraiment, c'est un rapport de c'est un, j'ai pas envie de dire un rapport de force avec la peinture, mais il y a un duo là qui se fait dans un aller-retour, et la peinture elle-même du coup, va être évocatrice de formes et de couleurs. Donc, c'est quand on parle d'organicité, là, et puis, ben, elle a réalisé il y a quelques années, il y a même une dizaine d'années maintenant, des paysages morphologiques. Et je lui ai posé la question, comment tu fais le lien avec ces paysages-là? Donc, c'était un travail un tout petit peu plus classique, un peu plus à l'horizontale. Et là, bon, elle m'a dit que c'était toujours une recherche sur la couleur, mais moi j'ai fait le lien dans le sens où je trouve qu'il y a une plongée spatiale. On est dans quelque mm-hmm. chose, dans un paysage vu du ciel, quelque chose de complètement. On est encore dans le paysage en réalité. Oui, donc dans le paysage qui va évoquer beaucoup plus la cartographie, si on tout veut. À fait. Alors merci beaucoup Fanny Hénon-Lévy. L'exposition de Tania Girard-Savoie est présentée jusqu'au 10 avril à la galerie Michel Guimond. Bonne à soirée. Bientôt. Salut. Alors, nous, on part en pause audio avec un extrait de la pièce Rubber Band. Alors, de retour à l'aérospatiale, aujourd'hui, on a avec nous Andréane Lesage, qui est allée voir la pièce de théâtre « Architecture du printemps » qui est présentée à Premier Arc en compagnie d'Audrey Caro. Oui. Donc, c'était la semaine dernière que vous êtes allée voir cette pièce-là, les filles. Oui, c'est ça. À vrai dire, on avait envie de parler, tu sais, juste pour mettre en contexte un peu cette drôle de chronique, on pourrait dire, art visuel, théâtre, quel est le rapport, mais... On est intrigués. Exact, mais Andréane va nous donner un petit compte-rendu de ça, mais on parle de la figure de Vincent Van Gogh, notamment dans cette pièce-là, puis ça l'a attiré notre attention, puis on s'est dit, ben tiens, allons voir justement comment se marie ce rapport-là entre les arts visuels et le théâtre. Et Andréane, tu peux nous faire un petit résumé là, du topo de la pièce, en quelque sorte. Oui, ben en fait, c'est une pièce qui a été écrite, mise en scène et interprétée par Olivier Lépine. Donc, il est vraiment seul sur scène pendant 1h40, sans entracte. Et c'est une histoire, en fait, qui se déroule en plusieurs temps, qui sont comme entrecoupés. On a un personnage principal qui s'appelle Vincent, qui est un jeune trentenaire québécois. L'action se situe, on le comprend assez rapidement, en 2012, au printemps même, 2012, mm-hmm. puisque c'est la crise étudiante. Mm-hmm. Et ce jeune homme-là, en fait, vit en fait une peine d'amour assez difficile. On comprend qu'il a été longtemps avec sa copine et puis là, bon, il y a de la misère finalement à se sortir un peu de son marasme, tout ça. Et entre ces moments-là où on le voit un peu ben vivre ce deuil-là, on voit aussi l'histoire la vraie histoire de Vincent van Gogh, donc le peintre hollandais bien connu du 19e siècle. Et bon, les deux personnages, évidemment, s'appellent Vincent. On comprend qu'il va y avoir un moment donné où les deux vont se rencontrer dans l'histoire. Ce moment-là, d'ailleurs, bon, permet au personnage principal actuel, je dirais contemporain, de passer à travers là, sa peine d'amour. Littéralement, voilà. C'est ça. Donc, c'est intéressant parce que, ben je pense, Audrey et moi, on savait pas d'emblée, en allant voir la pièce, que Vincent van Gogh se retrouverait tout au long de l'histoire. C'est ça. On était curieux parce qu'on disait peut-être qu'il va servir de point de départ, mais non, on reste qu'il ponctue. C'est un personnage qui est là tout au long de l'histoire. Ben pas tant un personnage en tant que tel, mais plutôt un ancrage. Un point d'ancrage, exactement, qui va, comme on le disait, permettre, au personnage principal de se sortir de sa peine d'amour, parce que finalement il est invité par un conservateur donc du musée Van Gogh à Amsterdam, si je me trompe pas. Donc à Amsterdam de venir réaliser un documentaire sur Van Gogh. Et tout ça l'amène donc à quitter aussi le Québec, à aller là-bas, à découvrir puis à se déplacer un peu, à vivre certains moments de la vie de Van Gogh, justement aller à Paris, aller également aussi en Provence. Donc, il explore, il vit un petit peu là, cette ambiance dans laquelle, ben, ce qu'on pourrait présager, dans laquelle Van Gogh a évolué. Mm-hmm. Puis ça l'amène vraiment à, comme on le dit, à se renouveler puis à voir que la vie continue, parce qu'il y avait une phrase en tout début de pièce, ce que je disais avec on en discutait, Andréane et moi, hier, puis ça m'a marqué parce que dans le fond, on disait, ben pour un peintre, un des stress ou un des grands vides, ben c'est de se retrouver devant la toile blanche. Hein? Oui. De voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette toile blanche. Oui. Alors que, ben, pour le personnage, ben, c'est après une relation de presque 11 ans, il doit tourner la page, ben, finalement, il se retrouve face, c'est... un peu comme le peintre, face à cette toile blanche-là. Comme l'angoisse de la page blanche. Exactement, oui. Puis de pas trop savoir, ben, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va réussir à relever le défi, en quelque sorte, à poursuivre puis à donner sens à la fois à une œuvre d'art, mais aussi à sa vie, en quelque sorte. Ouais. Donc, l'art lui permet de réussir à passer au travers de cette épreuve de peine d'amour. Donc, c'est un peu le cœur de l'histoire, si on veut, de l'intrigue. Oui, mais c'est pas aussi... Ça, c'est nous qui le dit. OK. C'est une interprétation. Ouais. Oui, l'art est très présent dans la pièce, je pense notamment à la scénographie, parce que des projections de tableaux de Van Gogh qui sont faits, il y a aussi bon des petits accessoires qui... Des éléments intéressants, notamment une chose qu'on a beaucoup aimé les deux, c'est aussi des fois il y a un passage à un moment donné où justement le personnage est en pleine dépression, puis là finalement les bouteilles s'enlignent devant la scène, et finalement pour faire cette espèce de passage-là du Vincent contemporain à Vincent Van Gogh, il y a un espèce de il y a un pinceau, donc, puis il peint en rouge, mais il donne tous des petits coups sur les bouteilles et ça devient comme à la fois un champ de fleurs rouges, mais aussi les référence au carré rouge également. Donc c'est subtil, mais c'est beau. Ça, c'était beau comme élément scénographique, j'ai trouvé, puis comme transition un peu aussi. Donc non, c'est vrai, parce que ça pourrait, ce qui est bon, peut-être un point faible, mais en même temps qui est quand même somme toute limité, là, je dirais, là, dans la pièce, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a justement, bon, cette référence-là au printemps érable, il y a la peine d'amour, il y a la vie de Vincent Van Gogh, mais on voit aussi, bon, le directeur de musée ou conservateur de musée, donc qui donne comme un cours sur Vincent Van Gogh. On a plusieurs personnages comme ça. Puis policier, il y a le policier aussi. Tous interprétés par le même. Voilà. Donc ça pourrait devenir très, très confus. Et même si, somme toute, c'est ça, c'est assez lourd, surtout au début, on a de la misère à rattacher un peu tous ces éléments-là. À la fin, tout se joint et surtout la scénographie aide beaucoup. Les passages se font très bien d'un personnage à l'autre. Il faut dire que le jeu de l'acteur aussi est habile. Il prend des accents avec seulement un petit accessoire. Il est capable de nous faire comprendre que c'est un autre personnage totalement. Mm-hmm, là. Donc, mm-hmm. On suit bien, mais il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas trop, disons, partir dans la lune là, pour bien suivre l'histoire. C'est comme on disait, c'est juste que ça vient peut-être un peu tardivement. Par exemple, que tout ça se relie ensemble puis qu'on fasse des liens. Mais enfin, je pense qu'on n'est pas les seuls. On a lu La Critique du Devoir et du Soleil, puis on était un peu dans le même esprit, mais ça reste une pièce très intéressante aussi, justement. Puis ben, c'est assez rare que justement on a l'opportunité de voir les arts visuels aussi placés de cette façon-là au théâtre. En tout cas, moi, j'ai été très heureuse d'avoir été voir la pièce, puis chapeau à Olivier, justement, pour son interprétation qui était assez... Donc, on n'a rien à redire là-dessus. Non, tout à fait. Je pense même... Moi, mon coup de cœur, c'est son interprétation du personnage du conservateur de musée, là, avec l'accent néerlandais, qui est très drôle. Ça vient ajouter une touche de légèreté à la pièce parce qu'on est quand même dans... Des sujets qui sont assez... Des personnages tourmentés, tu sais, puis une atmosphère un peu lourde, mais ce personnage-là amène une lumière, puis justement fait découvrir aussi au Vincent contemporain l'art de Vincent Van Gogh, puis comme ça, il entre comme une lumière, le jaune, le typique des tableaux de Van Gogh aussi, qui se reflète dans la scénographie. Donc, ça vient vraiment faire une belle fin à tout ça. Donc, une pièce qui est présentée jusqu'à... Jusqu'au 2 avril. 2 avril au Théâtre Premier Acte. Oui. Alors, merci les filles d'être allées voir cette pièce-là. Un très bon compte-rendu. Ça donne le goût d'aller satisfaire notre curiosité, découvrir un peu aussi de la vie de Vincent Van Gogh, parce qu'il y a vraiment une espèce de rigueur historique dans la pièce de théâtre. On veut vraiment... C'est pas juste une évocation, c'est effectivement. Puis les faits incontournables de sa biographie sont mentionnés. Je pense à l'épisode de l'oreille coupée, à son suicide aussi... sa relation, sa correspondance avec son frère Théo. Oui. Donc, c'est assez complet de ce côté-là. Alors, merci beaucoup. On va se quitter pour une pause audio, un extrait de la pièce Lobster d'Anitek. Alors, de retour à l'aérospatiale, quelques mots pour vous dire CKRL est en plein pré-radioton, donc on vous invite à aller voir la page internet de l'émission www.ckrl.qc.ca pour en savoir plus. Alors Audrey, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer cette semaine dans le monde des arts visuels à Québec? Alors oui, ce mercredi, conférence de Bernard Lamarche intitulée L'objet dans l'art contemporain, une conférence en lien avec l'exposition de Raphaël de Groot au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Donc, c'est à 19h30. Ce jeudi, une autre conférence de Marie-Christiane Mathieu autour du projet qu'elle présente à la Galerie des Arts Visuels, donc Musique de char toujours plus à l'ouest. C'est à 16h30 à l'École des Arts Visuels au local 3153. Sinon, si jeudi, il y a Folie Culture qui organise la soirée des animés, donc vidéo et encan, où on va présenter donc la minute vidéo, mais aussi encan de GIF animé, aussi en formule 5 à 7 au 335 rue Saint-Joseph, local 500, donc c'est au cinquième étage, juste en face de la bibliothèque Gabriel-Roy, et c'est gratuit. Sinon, de vendredi à lundi, il y a des ateliers spéciaux de Pâques, donc ateliers de peinture pour décorer un œuf de votre cru, donc en vous inspirant des œuvres de la collection du musée. Il y a plusieurs heures, donc vérifiez le site internet du musée et c'est 4 $ pour y aller. Et il faut dire aussi, vérifier pour le congé, c'est le congé de Pâques, il y a plusieurs centres d'artistes, galeries et musées qui sont quand même ouverts durant la fin de semaine, mais je vous invite à vérifier leur site internet ou leur page Facebook. Mais il faut dire que c'est la dernière semaine pour voir Objet de Jenny Paquette à Materia, donc c'est jusqu'au 27 mars. Et sinon, Personne et Personne de Benoît Genet-Rouillé à la galerie Pêche-Sherpa.